Dieu, par ton nom, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Des étrangers se lèvent contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi, ils n'ont pas mis Dieu devant leurs yeux. Ils se dressent contre mon âme sans cause, mais ton bras renverse leur orgueilleux. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur. Anéantis par sa vérité. Je t'offrirai un sacrifice librement. Je célébrerai ton nom, Seigneur, car tu es bon. Tu m'as délivré de toute détresse. Et mes yeux voient la chute de mes oppresseurs. Tu es mon refuge dans la tourmente, mon secours éternel.